Thank you. ça qui est remarqué. Je sais pas ce qu'il joue en fait. Il y a Karma qui peut nous dire. Mais je connais pas ces accords. Je sais qu'il y a un La mineur. Et encore, c'est pas ça. Il joue. ça. Hein. Moi, je suis un lapinaire. Je suis vieux. No song to you, Johnny. Moi j'ai une application qui doit être sur iPhone et sur Android. Ça s'appelle, je l'ai sous les yeux, Basic Chord. C'est gratuit. Et c'est vraiment bien. C'est pour, tu vois, ça s'appelle Basic Chord avec un S. Guitare, je pense. Non, c'est que pour guitare. Mais t'as quand même un bon nombre d'accords. Enfin, déjà assez pour moi. C'est Basic Chord. Yo, quelqu'un m'entend là? Alors, un mi. Non, Johnny. Ça joue comme ça. Test. Donc. Ben. Oh. C'est Basic Chord. Thank you. Ok. Oui, moi je t'entends. Ouais, ok. Et comment mais comment c'est comment ça de... Attends, déjà faut pour que ça aille plus vite. Ouais, faut baisser le machin à 4 BPM. Attends. Oui, attends, tiens. Essaye ça, ça sera plus facile pour parler. Oui. Oui. C'est une application gratuite BASCHORDS. C'est que pour la guitare. Ouais. Et quoi, et tu appuies sur... comment ça marche hein? Parce que moi, je cherche un truc, tu vois. C'est-à-dire, t'as les 6 cordes, tu places, par exemple, tu mets des petits points, tac, tac, et il te donne l'accord. Ben, pour moi, ça me suffit déjà. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ça permet d'avoir le téléphone à côté. Et quand... Ouais, c'est par exemple, là, les accords, je sais pas ce que tu jouais, hein. Ouais, bah justement, bah des fois, tu vois, je joue des accords et j'arrive pas trop à expliquer ce que c'est exactement, tu vois. C'est des machins que je joue avec 2 doigts. Ah, Mike, il a un truc? Ah oui. Ouais, ça se passe. Voilà quoi. C'est-à-dire avoir la copie du manche, quoi. Oui. C'est-à-dire, t'appuies sur 2 touches. Tac, tu mets 2 touches et ça te donne quoi, exactement. Et si tout le monde s'accorde sur la même chose, sur la même application ou le même programme, ça serait cool. Hein. Non, j'ai une application Gibson, gratuite aussi. Et ça le fait pas ce que tu veux là. C'est quoi? C'est Android tout ça là? C'est Android, c'est iPhone? Gibson, ça fait des accords directs. Ouais, faudrait que je cherche, faudrait que je fasse une recherche. Enfin, si quelqu'un a un truc, bah, qui le file, ça serait cool.